الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. Nous sommes le 20e jour du mois de Dhul-Hijjah de l'année 1434, ce qui correspond vendredi 25 octobre 2013. Et c'est notre deuxième cours dans l'étude du livre Thalathatul Usul de l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, Rahimahullahu Ta'ala. البارحة رأينا شيئا من سيرة المؤلف رحمه الله تعالى. Hier, nous avons cité quelques points concernant la vie de l'auteur. Qu'est-ce qui nous rappelle son nom, le nom de son père et de son grand-père? تفضل. أكرمك الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي. Il est né dans quel endroit? عند من؟ العيينة. العيينة. En quelle année? En 1115. Et est décédé en 1206. بارك الله فيكم. Il a mémorisé le Coran avant la puberté. Certains ont même dit avant l'âge de 10 ans. Et il grandit dans une famille pieuse où il y avait des savants. Puis, il a voyagé où Allah Azza wa Jal lui a facilité comme Al-Madinah, comme Al-Basra et d'autres endroits. Naam. Et son prêche était principalement basé sur Tawhidullah subhanahu wa ta'ala, sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme c'est le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers et de ceux qui les ont suivis par la suite avec excellence. Nous avons cité que l'auteur a commencé par Al-Basmala pour plusieurs sagesses, et dans la première introduction, il a cité quatre points essentiels dont la connaissance incombe à l'ensemble des musulmans. Quels sont ces quatre points? Ah, madame. Premièrement, l'ilm, la science, qui englobe trois choses. Lesquelles? La connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est ta religion? Et la connaissance de l'islam, barakallahu fik. Donc nous avons vu que la science était la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, la connaissance de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, indamen. Naam. La mise en pratique, al-amal ubi. Troisièmement, الدعوة إليه. Exhorter les gens à cela, les appeler, les inviter à cela. Et quatrièmement, الصبر على الأذى فيه. L'endurance et la patience face aux préjudices qui en résulteront. Et nous avons cité la preuve de ces quatre points. Laquelle? Ibrahim. Surat al-Asr. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب. Hier nous avons expliqué jusqu'au passage où l'auteur nous dit العمل به. C'est bien ça. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم والعمل. إلى العلم وإلى العمل وحكم الدعوة إذا كان إلى الواجبات الوجوب وإذا كان في المستحبات هو مندوب. Quel est le jugement de la da'wah, de la prédication? Si c'est l'appel aux choses qui sont obligatoires dans l'islam, alors celui qui sait, qui a mis en pratique, se voit dans l'obligation d'enseigner cela aux autres. Et si cette science et cette mise en pratique est recommandée, alors d'inviter les gens à cette chose devient également recommandé. La personne qu'Allah Azza wa Jalla a comblée de par la science utile des actions pieuses, il ne lui convient pas d'oublier ses proches, d'oublier ses voisins, d'oublier sa famille et l'ensemble de ceux qui l'entourent. Mais il doit plutôt les inviter à ce bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité. En commençant par les bases de l'islam, toute personne qui veut inviter les gens au bien doit lui-même le connaître et doit lui-même l'avoir mise en pratique. Bil jumla. Et sachez que da'watu ila Allah hiya tariqatu al-anbiya wal-rusul. Sachez que le fait d'appeler les gens à Allah, c'est la voie des meilleures créatures d'Allah subhanah, les prophètes et les messagers, puis les savants qui sont leurs héritiers. Allah nous dit dans son livre, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah nous dit dans son livre, vers la fin de sourate Yusuf, dit au messager d'Allah, voici ma voix, j'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur des preuves évidentes. Qu'Allah soit purifié et je ne suis pas du nombre des associateurs. Ici, Allah Azza wa Jal nous enseigne le chemin à prendre et à emprunter dans le prêche. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah. Donc celui qui veut prêcher doit appeler Allah Azza wa Jal. Pas à lui-même, pas à son groupe, pas à son cheikh, mais il appelle à Allah. Il appelle à la religion d'Allah. Il appelle à suivre le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il appelle à unifier Allah d'un culte sincère. Et il doit commencer par étudier comment faire da'wah. Cette personne doit avoir comme provision al-ilm. Il doit avoir de la science qui est basée sur le Coran et la Sunna. Il doit avoir de la hikmah, de la sagesse, pour savoir par quoi commencer, comment s'exprimer et accorder à chacun ce qui lui est nécessaire. Et celui qui appelle les gens à unifier Allah Azza wa Jal d'un culte sincère et à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se verra récompensé par les plus grandes récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ad-dalu ila al-khayr kafa'ili. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Celui qui appelle un bien est semblable à celui qui l'a mis en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man dalla ila khayr falahu mithlu ajri fa'ilih. Rawahu Muslim min hadith Abdillah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et dans le prêche, tu dois commencer du plus important à l'important. Ne fais pas partie de la sagesse dans le prêche que d'appeler les gens aux choses se rapportant à la jurisprudence alors qu'ils n'ont pas une bonne croyance, par exemple. Car la croyance, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est la base sur laquelle toute la religion repose. Tu dois donc appeler les gens à purifier leurs croyances avant de les appeler au reste. Al-Martabatu al-Rabi'a, le quatrième point parmi les points essentiels qui ont été cités par l'auteur, As-Sabru ala al-Adhafi, le fait d'endurer devant les éventuelles nuisances qu'on pourra rencontrer en chemin. As-sabru lughatan huwa al-habs. وشرعا حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى أي إلى غير الله والجوارح عما لا يحبه الله ويرضاه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. L'endurance, c'est le fait de retenir son âme ou son cœur de toute révolte, de retenir sa langue de toute plainte, c'est-à-dire à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et de retenir ses membres de toute mauvaise action qui déplaît Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait de se taper au visage ou de se tirer les cheveux. Et l'endurance est de trois types. Premièrement, l'endurance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire rester constant et ferme dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, l'endurance devant la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire endurer devant les tentations et ce à quoi invite l'âme qui est incitatrice au mal. Tu dois te maîtriser, tu dois endurer dans le chemin d'Allah afin de ne pas transgresser les limites qui nous ont été fixées. Et troisièmement, l'endurance lors du décret d'Allah. Et plus particulièrement, le décret qui peut être douloureux pour le fils d'Adam, comme la maladie, comme la perte d'un proche, et tout ce qui peut être lourd pour le fils d'Adam. Quel est le jugement de l'endurance? Ce qui est voulu ici par l'auteur, ce sont les obligations. À partir de là, on dit que l'endurance dans da'watu ilallah, c'est wajib. Li'anna kama qala al-usuliyun ma la yatimu al-wajib illa bi fa huwa wajib. Donc c'est obligatoire d'endurer dans le chemin du prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu n'endures pas et tu ne patientes pas, tu ne pourras pas transmettre aux gens la science et la mise en pratique, les conseiller. Car la plupart des gens sont égarés. La plupart des gens suivent leur passion. La plupart des gens transgressent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans plusieurs versets, lorsqu'il cite la majorité, qu'ils sont égarés, qu'ils sont ignorants, qu'ils ne savent pas. Allah nous dit par exemple, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah nous dit par exemple, et la plupart d'entre eux n'ont foi en Allah qu'en lui donnant des associés. La plupart d'entre eux ont foi en Allah, c'est-à-dire dans son unicité, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Ils reconnaissent cela, ils savent qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Mais malgré cela, il lui donne des associés dans le culte. Il lui donne des associés dans le culte. Donc ici, on voit que la majorité sont dans le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu suis, ou si tu obéis, يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِحَذْفِ النُّونِ نَعَمْ. Si tu obéis ou si tu suis la plupart des gens de la terre, ils t'égareront du droit chemin. Donc la majorité est dans quoi? Dans l'égarement. La majorité est dans l'ignorance. La majorité suivent leur passion. La majorité suivent leur passion. Et on ne dit pas que la base chez l'homme, c'est qu'il est bien et c'est qu'il est droit. Ou c'est qu'il est à la sunna là. Mais Allah nous dit dans le Coran, إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah, رحمه الله تعالى, la base chez l'homme est l'injustice et l'ignorance. Et comme a expliqué Ibn Sa'adi dans le tafsir, c'est pour cela qu'il a supporté cette charge. Contrairement aux montagnes, aux terres, au ciel. Donc, lorsque tu vas aller trouver ces gens, pour les inviter à la science, pour les inviter à la mise en pratique de la science, pour les conseiller, pour les corriger, forcément tu vas tomber sur des problèmes, tu vas rencontrer des nuisances. À ce moment-là, quel devra être le comportement du prédicateur ? As-sabr al-adha. Donc à ce moment-là, le prédicateur devra être endurant. Tu dois appeler les gens qui sont en dehors de l'islam à l'islam. Et tu dois appeler les musulmans qui sont en dehors de la sunna à la sunna. Et la plupart des gens ne sont pas dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina firqa wa iftaraqat al-nasa ala 72 firqa wa sataftariqu hadhi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. » Qila man hiya ya rasulallah? Qala al-jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette communauté se divisera en 73 groupes, qu'ils sont tous voués au feu, excepté un groupe. Qui est-ce? Le groupe sauvé. Le prophète Ibn Mas'ud l'a défini en disant, c'est celui qui est sur la vérité, même s'il est seul. Et le Hassan al-Basri et d'autres parmi les plus prédécesseurs disaient, ya ahli sunnah, ô vous les gens de la sunnah, soyez bons les uns envers les autres. لأنكم أقل القليل أقل القليل car vous êtes une minorité parmi les minorités. Comment dire après cela que tous ceux qu'on croise dehors sont à la sunna fil asr? Donc tu dois appeler ces gens-là à revenir à la sunna et à suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans ajouter et sans diminuer. Et cela en conformité avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ad-da'watu ila Allah ibada. La prédication, le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Il y a donc les deux conditions de l'adoration, l'ikhlas wa al-mutaba'a, la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui invite Allah en utilisant des moyens qui n'ont pas été permis par l'islam, aura innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal. On ne parle pas du micro, on ne parle pas du stylo, on ne parle pas de l'ordinateur. On parle de wasa'il ud-da'wa, comme ceux qui ont fait rentrer dans la da'wa al-anashid par exemple, ou comme ceux qui ont fait rentrer dans la da'wa amadha les pièces de théâtre. Cela ne fait pas partie de la da'wa. La da'wa, c'est une adoration. Elle repose donc sur les bases de l'adoration qui sont connues de nous tous, incha'Allahu ta'ala, l'ikhlas wa al-mutaba'a. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idhan hukmu sabr al-wujub. Al-wujub. Ensuite, l'auteur nous a cité Suratul Asr comme preuve des quatre points cités précédemment, c'est-à-dire la science, la mise en pratique de celle-ci, le fait d'y inviter les gens et endurer devant les nuisances qu'on pourrait rencontrer. Allah nous dit dans le Coran « Wal asr »« Aqsama Allahu subhanahu wa ta'ala bil asr »« Wa huwa al-zaman wa al-dahr »« Kama rajaha dhalik ibn Jarir »« Rahimahullahu ta'ala wa ghayruh » Allah dans ce verset nous dit par le temps. Allah a juré par le temps. Et ce qui est voulu ici par le temps, c'est le temps en général. Et non pas une partie du temps selon l'avis d'Ibn Jarir al-Tabari et d'autres. Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il veut de ses créatures. Mais nous, ses serviteurs, n'avons pas le droit de jurer si ce n'est par lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jurer par autre qu'Allah. et nous informe que celui qui jure par un autre qu'Allah a commis un acte de polythéisme. C'est-à-dire le petit polythéisme. وَهَذَا فِي الْأَصْلِ أَقْسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْعَصْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَوَادِثِ لِأَنَّ فِيهِ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ شَيْءٌ عَظِيمٌ وَشَرِيفٌ. Allah Azza wa Jalla a juré par le temps, il nous montre ainsi sa valeur, sa grandeur et sa noblesse. Car dans ce temps, tu peux réaliser ce pourquoi tu as été créé, adore Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Et dans ce temps, les actions des croyants et des non-croyants se réalisent. Et selon la façon d'utiliser ce temps, la rétribution sera donnée dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna l'insana la fi khusr ». Pourquoi est-ce qu'on a juré pour appuyer quelque chose ?« Inna l'insana la fi khusr ». Certes, l'homme est en perdition. Ici, on nous informe que « Jinsu l'insan fi khasaratin wa halaka azima ». Dans ce verset, on nous informe que l'homme, de manière générale, et ça comprend El Djinn également, est dans une grande perdition. Puis, Allah Azza wa Jal cite une exception. Exception faite de ceux qui réuniront quatre caractéristiques. Ce sont les quatre points essentiels cités par l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Et de cela on tire la science, la preuve pour la science. Lianna mahallahu al-qalb wa huwa mabniun alayhi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, et ont accompli de bonnes œuvres. De cela on tire la preuve pour la mise en pratique de la science. Et les bonnes actions sont les actions qui sont basées sur la sincérité, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc basée sur une science. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ هَذَا دَلِيلُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Se sont enjoints mutuellement la vérité. Dans cela, il y a une preuve pour le troisième point, le fait d'appeler les gens à Allah. Tu appelles les gens au livre d'Allah, à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à mettre en pratique cela. وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرُ, et se sont enjoints mutuellement l'endurance. والصبر هنا عام أي يعم أنواع الصبر الثلاثة. Et l'endurance ici a été citée avec elle, donc ça englobe toutes les formes d'endurance. L'endurance dans l'obéissance d'Allah, devant sa désobéissance et lors du décret. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que Allah dans cette sourate a réuni les caractéristiques des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont les meilleurs. Ces gens-là se sont complétés eux-mêmes avec deux forces, la science et la mise en pratique. Puis ils ont aidé les autres en les renforçant et en les complétant avec une autre force qui est da'watu ilallah et sabr ala al-adha fihi. Puis l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, قال الشافعي رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي s'appelle محمد ابن إدريس. محمد ابن إدريس c'est sa cognée أبو عبد الله, comme les trois imams en dehors de Abu Hanifa. Il est né en 150 après l'Hégire et est décédé en 204 après l'Hégire. Il est né à Gaza, et est décédé à Misr, en Égypte. Et c'est l'imam que vous connaissez tous. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. L'imam al-Shafi'i nous dit, si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve pour ses créatures, cela aurait été entièrement suffisant. C'est ainsi que nous a cité la parole de l'imam al-Shafi'i, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et on trouve auprès d'Ibn Kathir et auprès d'Ibn al-Qayyim dans Zadul Ma'ad une autre variante de la phrase de l'imam al-Shafi'i. Aussi dans Madarij al-Salikin, Tayyib, لو تدبر الناس, لو تدبر الناس. Donc soit l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a cité cette parole selon le sens rapproché, soit dans la version qu'il a eue, Madha s'était inscrit ainsi. Quoi qu'il en soit, le sens est le même. La kafathum. Donc cette sourate, si Allah l'avait fait descendre sur ses serviteurs et n'avait rien ajouté, celle-ci aurait suffi comme preuve pour ses créatures. Comme preuve dans quoi? Est-ce que cette sourate, suratul asr, est suffisante pour adorer Allah Azza wa Jal, pour faire la prière, pour savoir les détails de la législation d'Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah aime, ce qu'il n'aime pas? Le sens voulu n'est pas celui-ci. Mais la kafathum, ay fil hath, ala hadhil khisal, al arba'a al hamida. Mais le sens de la parole d'Imam Shafi'i, la suffisance qui est voulue ici, c'est-à-dire, cette sourate est suffisante pour nous encourager à prendre ces quatre caractéristiques. Et à redoubler d'efforts dans leur recherche. La science, la mise en pratique, le prêche et l'endurance. Également suffisante pour iqamatul hujjah, pour que personne ne puisse avoir une excuse yom al-qiyamah et dire je ne savais pas, qu'il fallait apprendre, qu'il fallait mettre en pratique et ainsi de suite. D'autres ont dit également la kafathum ay fi bayani asbab as-sa'ada. D'autres ont dit cette sourate est suffisante, c'est-à-dire pour démontrer les causes du bonheur et de la réussite. Dans cette sourate, il y a donc, et dans ces points essentiels cités précédemment, il y a donc, pour résumer, les causes de la réussite et du bonheur pour le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et le sens voulu n'est pas la kafathum ay fi tafasil shar'a. Tayyib. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل L'auteur nous dit ensuite l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى qui est né en 194 et mort en 256 nous dit ou bien l'auteur nous cite que l'imam al-Bukhari a intitulé dans son livre Sahih un chapitre qu'il a nommé le chapitre « La science précède la parole ». La science précède la parole et l'action. « Ou Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala ». Il nous dit donc bab al-ilm qabla al-qawli wa al-amal. La science passe avant la mise en pratique ou avant la parole et la mise en pratique. Cela, chers frères, car on conditionne dans l'acceptation de tes actions près d'Allah subhanahu wa ta'ala que ton action soit basée sur la sincérité et sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que ton action soit acceptée chez Allah, il faut deux conditions. La première condition est l'ikhlas. La deuxième condition, al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idhan al-ilm shartun fi sihhati al-qawli wal-amal. Li'anna al-amal la tuqbal illa bi shartayn. وهما الإخلاص والمتابعة ولا يكون كذلك إلا بالعلم. Comment est-ce que tu vas savoir que ton action est en conformité avec la sunna? En étudiant avec la science, à ce moment-là, tu vas savoir comment agir pour que ton action soit acceptée chez Allah. ثم قال والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Et la preuve, la parole suivante d'Allah, sache que nul ne mérite d'être adoré, sauf Allah, et demande pardon pour tes péchés. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. كلام المؤلف هنا قبل القول والعمل ليس من كلام البخاري البخاري رحمه الله تعالى. Donc l'auteur nous dit que la preuve de cette règle, que la science passe avant la parole et les actes, est le verset où Allah nous dit: sache que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah, et demande pardon pour tes péchés. Sache, c'est l'ordre de la science. Et ensuite seulement, demande pardon pour tes péchés. Donc effectivement, nous avons commencé par la science, avant la parole et les actions. L'imam al-Bukhari nous dit, Allah a donc d'abord cité la science. Allah a donc d'abord cité la science. Et l'auteur a rajouté, avant la parole et l'action. Avant la parole et l'action. Voici pour la première introduction du livre. Et le livre, comme nous avons cité, se divise en plusieurs parties. La première partie, c'était celle-ci. Les quatre points essentiels, c'est la première introduction. La deuxième partie, c'est une deuxième introduction. Puis il y a al-usul al-thalatha, ou bien thalathatul usul, puis il y a une et au final, il y aura une conclusion. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسل المنك. Dans le livre, il manque inna. Ceux qui ont le livre, vous corrigez. Il manque inna pour ceux qui ont le livre. Au début du verset, il manque inna. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula. Fa'asa fir'aun rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Ici encore l'auteur t'adresse des invocations, t'adresse cette rahma en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire miséricorde. Que signifie rahimakallah? Indaman. Que signifie rahimakallah? Naam. Akramakallah. Naam, ahsant. Qu'Allah te pardonne tes péchés passés et qu'il t'accorde la réussite et te préserve dans le futur. Donc l'auteur fait encore cette dua pour nous. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, et il commence par « i'lam » pour attirer notre attention, car ce qui va suivre a la plus grande importance. Il va nous citer trois points qui ont la plus grande importance. Le premier point, un rapport avec Tawhid al-Rububiyya. Le deuxième point, un rapport avec Tawhid al-Uluhiyya. Et le troisième point a un rapport avec Aqidatu al-Wala wal-Bara. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, al-Wala wal-Bara. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre les trois points suivants et de les mettre en pratique. De quel type d'obligation il s'agit ici? Al-Wujub al-Ayni. Al-Wujub al-Ayni. Le premier, Allah nous a créés, a subvenu à nos besoins et ne nous a pas laissés à l'abandon. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lui obéit entrera au paradis. Celui qui lui désobéit entrera en enfer. La preuve, la parole suivante d'Allah, nous vous avons bien envoyé un messager, témoin de vos actes et paroles, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon que nous envoyâmes un messager au Pharaon, c'est-à-dire Moussa alayhi salam. Le Pharaon désobéit alors au messager, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, et nous l'anéantîmes par un dur châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur. Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et parmi ces choses, le fils d'Adam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah nous dit également, Allah vous a créé vous, ainsi que vos actions. Il nous dit également, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc dans cela, il y a des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre seul créateur. Il nous a créé, nous a donné notre subsistance. C'est lui le pourvoyeur subhanahu wa ta'ala. Inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Certes, Allah est le pourvoyeur, comme il nous dit dans le Coran. Il ne nous a pas laissé à l'abandon. Comme il nous le dit dans le Coran, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى. Est-ce que l'homme pense qu'on le laissera en vain? Il nous dit également, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Allah nous dit également, pensez-vous qu'on vous a créé en vain, à titre d'amusement, et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Donc ici, on réfute cette idée. On réfute cette idée. Allah Azza wa Jal nous a créé pour une sagesse. Jalla wa ala. Donc vous pouvez prendre dans Surat al-Qiyamah le verset 36, dans Surat al-Mu'minun, verset 115. Donc dans Sourate la résurrection et Sourate les croyants. فَعَلَى جَمِعِ النَّاسِ أَنْ يَعْلَمُوا الْحِكْمَةَ الَّتِي لِأَجْلِهَا خَلَقَهُمْ رَبُّهُمْ. Donc l'ensemble des gens ont l'obligation de savoir la sagesse pour laquelle leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala les a tous créés. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici pourquoi est-ce que tu as été créé, cher frère. L'homme, la femme, l'ensemble des gens ont été créés pour cela. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois riche, pauvre, gouverneur ou gouverné, en bonne santé ou malade, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'unifier d'un culte sincère. قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah nous dit dans le Coran, ô vous les gens, nous n'avons pas dit ô vous les croyants, car cet ordre s'adresse à l'ensemble des gens. Tout le monde est visé par cet ordre, car nous avons tous été créés pour cela, pour adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédés. Donc Allah c'est notre créateur, notre pourvoyeur. Il ne nous a pas créé en vain, mais pour une grande sagesse, pour qu'on adore Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Et pour ce faire, pour connaître les moyens qui nous permettront d'avoir l'agrément d'Allah et savoir comment adorer notre Seigneur, il nous a envoyé par miséricorde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Donc Allah nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous enseigner comment l'adorer. Celui qui le suit rentre au paradis. Et celui qui lui désobéit rentre en enfer. Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah nous dit dans Sourate An-Nisa, les femmes, celui qui obéit à Allah et son messager, on le fera entrer, ou bien il entrera dans des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et voici le grand succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Mais qui pourrait s'y refuser, ont demandé les compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit, voici celui qui s'y refuse. Donc lorsque tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu montres que tu veux rentrer au paradis. Et quand tu lui désobéis, c'est comme si tu disais, je ne veux pas entrer au paradis. Wallahu musta'an. Ce hadith est le hadith d'Abu Hurayra et il a été rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis. Entrera en enfer. Celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera en enfer. Cela, dans le cas où sa désobéissance le fait sortir de l'islam, alors ça sera un enfer éternel. Et si c'est une désobéissance qui le fait sortir de la droiture mais pas de l'islam, alors il est menacé du feu de l'enfer. Et s'il y entre, il y restera un temps déterminé pour en sortir et finir au paradis. Comme c'est la croyance des gens de la sunna, contrairement aux khawarij et aux mu'tazila et autres. Donc on voit ici l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est celui qui nous a enseigné le chemin menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dans Sourate Al-Jinn, Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui désobéit Allah et son messager, il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et comme j'ai cité, l'entrée en enfer se divise en deux. L'entrée en enfer se divise en deux. L'entrée pour y demeurer éternellement, ce sont les mécréants et les hypocrites. Et l'entrée pour y être purifié de ses péchés et y demeurer un temps déterminé, proportionnel à la désobéissance, pour finalement en sortir et entrer au paradis éternellement, cela concerne les pécheurs parmi les croyants, ou du moins une partie des pécheurs parmi les musulmans. Naam. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous vous avons bien envoyé un messager témoin de vos actes et paroles, de la même façon que nous envoyâmes un messager à Pharaon, le Pharaon désobéit au messager, et nous l'anéantîmes par un dur châtiment. On voit dans ce verset que Pharaon a désobéi à Moussa alayhi salam, et qu'il a eu par conséquent un châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc ici on comprend que celui qui désobéit au messager, il rentre en enfer et sera châtié. En nous parlant ici de l'histoire de Moussa et avec Pharaon, on attire l'attention des musulmans. On menace les musulmans contre eux, le fait de ressembler à Pharaon ici. On nous dit, oh vous les musulmans, prenez garde à ne pas ressembler à Pharaon en désobéissant au messager qui vous a été envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de peur de ne recevoir la même rétribution que Pharaon. Nous devons donc méditer ces versets, s'éloigner de la désobéissance d'Allah et de son messager pour aller vers l'obéissance d'Allah subhanahu et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voici le premier point. Le second point, الثانيه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. Le deuxième, Allah n'admet aucunement qu'on lui attribue un quelconque associé dans les actes d'adoration, même s'il s'agit d'un ange proche d'Allah ou d'un prophète envoyé. Le deuxième point nous enseigne l'interdiction formelle de donner un égal à Allah subhanahu. L'interdiction formelle de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui lui sont propres. Et tout particulièrement l'adoration et le culte et la divinité. Allah n'agrée pas cela. Allah n'aime pas le polythéisme. Allah déteste la mécréance. Et ici l'auteur a spécifié l'adoration, car c'est le point dans lequel la majeure partie ont donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la seigneurie. La plupart des gens reconnaissent qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Mais où est le problème? Il est dans Tawhid al-Uluhiyya, dans l'unicité d'Allah, dans le culte. Les gens adorent Allah, certes, mais ils adorent avec lui autre. Ils se soumettent à Allah et se soumettent aussi à d'autres. Allah n'agrée pas cela. Même s'il s'agissait d'un ange proche d'Allah ou d'un prophète envoyé. C'est-à-dire, quand bien même celui à qui tu voudrais une part de l'adoration aurait une place élevée chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'acceptera jamais ash-shirku billah. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِي الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Allah nous dit dans surat Az-Zumar, les groupes, et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous lui êtes reconnaissant, alors il sera satisfait de vous. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit à cet effet, la plus grande reconnaissance, c'est Tawhidullah. La plus grande manière de manifester ta reconnaissance, c'est d'unifier Allah d'un culte sincère. De l'adorer lui seul sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous cite comme preuve pour cela, la parole d'Allah. Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. L'invocation est de deux sortes. Dua, ibadah et dua, mas'ala. La dua, adoration, c'est l'ensemble des adorations. Et dua, mas'ala, c'est talab, c'est la demande. Talabu ma yanfa'u da'i fi jalbi manfa'atin aw daf'i madar. Dua, mas'ala, huwa talabu ma yanfa'u da'i في جلب منفعة أو دفع مضر أو مضرة. La dua de demande est définie ainsi. C'est le fait de demander une chose qui nous est profitable ou l'acquisition d'une chose qui nous est profitable ou d'éloigner de nous une chose qui nous est nuisible. Lorsque tu demandes quelque chose, par exemple ta subsistance, par exemple le pardon pour tes péchés, ou bien d'être guéri d'une maladie, d'être préservé du feu de l'enfer, c'est ce qu'on appelle dua mas'ala, car il y a une demande explicite. Et les autres adorations, on les appelle dua ibada. Et on appelait cela dua, car il y a une demande implicite dans la dua adoration. C'est-à-dire l'ensemble des adorations, on appelle cela dua, ibada. Pourquoi dua, demande? Car lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, implicitement tu demandes le paradis avec ses bonnes actions. Et tu demandes à éviter le feu de l'enfer et à en être préservé. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadith أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله تعالى أن النبي أنعم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: certes, Allah a agréé pour vous trois choses et en a détesté trois autres. Il a agréé pour vous que vous l'adoriez d'un culte sincère. Sans rien, ou plutôt que vous l'adoriez sans rien lui associer. C'est le premier point. Le deuxième point, se cramponner à l'anse d'Allah tous ensemble. C'est-à-dire à la religion d'Allah ou bien au Coran, tous ensemble, sans se diviser. Et le troisième point, de conseiller ceux qui détiennent l'ordre parmi nous. Al-Thalitha. Donc ici on tire quoi? L'interdiction du shirk et l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. Et l'auteur ici a cité le culte, bien que les formes de tawhid soient au nombre de trois. Pourquoi? Car c'est sur cela qu'a été axé le prêche des prophètes et messagers. Et c'est sur cela qu'ont divergé les peuples d'avec leurs messagers. Et c'est la forme de shirk qui est la plus répandue. Ash-shirku fil ibada. L'auteur nous dit al-thalitha أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. L'auteur nous dit, le troisième, celui qui obéit au messager et adore uniquement Allah, c'est-à-dire celui qui a mis en pratique le premier point cité ici, et le deuxième point cité, alors il doit avoir ce troisième point. Quel est le premier point? La première mas'ala qu'a cité l'auteur ici. Quel est le deuxième point? La deuxième mas'ala qu'a cité ici l'auteur. C'est-à-dire celui qui unifie Allah dans Tawhid al-Rububiyya, qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'éloigne du shirk, qui unifie Allah dans un culte sincère. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Aqidatul wala'i wal bara. L'alliance et le désaveu. Et nous allons expliquer cela, incha'Allah ta'ala. Donc, celui qui obéit au messager et adore uniquement Allah n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui a fait scission d'avec Allah et son messager, qui renie Allah et son messager, même s'il s'agit de son plus proche parent, comme ses parents, ses enfants, son épouse et autres. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب il manque un mot ici. طيب. Ici il manque un mot. Vous avez quoi dans votre livre? كتب après قلوبهم. نعم. في. طيب. Celui à qui il manque cela, il le rajoute. Il y a un saqt moi dans mon livre. طيب. Celui qui, à qui il manque, il rajoute cela. في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. C'est l'heure de l'adhan. Donc, pour preuve de ce troisième point, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite la parole d'Allah dans laquelle il nous dit « Tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier, et mais ceux qui renient Allah et son messager, et mais ceux qui ont fait scission d'avec Allah et son messager, et mais ceux qui se sont éloignés de la voie d'Allah et de son messager. » Donc tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier, et mais ceux qui renient Allah et son messager. Même s'il s'agit de leurs propres parents, de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs proches. Cela, Allah a inscrit la foi dans leur cœur et les soutient d'un esprit émanant de lui. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Tels sont les partisans d'Allah. Les partisans d'Allah connaîtront vraiment la réussite. Ce point-là est appelé Aqidatul Wala et Wal Bara. L'alliance et le désaveu. Et ça fait partie des usul, ça fait partie des bases les plus importantes. En résumé, tu dois aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Et tu dois détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détesté. Et si le croyant a du bien et du mal, tu l'aimeras pour sa foi et pour son bien. Et tu le détesteras pour son mal et pour ses péchés. Et on ne dit pas, comme certaines personnes ont innové, et comme certaines personnes essayent de propager au sein des musulmans, qu'on déteste l'action, mais pas la personne. Cela est une compréhension qui n'a aucune part dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la méthodologie des pieux prédécesseurs. Mais, nuhibbu fillah, wa nubghidhu fillah. On aime pour Allah, et on déteste pour Allah. Celui qui est pieux et qui suit ce qu'Allah veut de lui, et Allah l'aime. Et le croyant aime ce qu'Allah a aimé. Il aime donc ces gens-là. Et celui qui a fait scission d'avec cette voix, la voix d'Allah, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'aime pas et il le déteste. Et le musulman aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah azza wa jal déteste. Concernant le croyant qui a des grands péchés, on l'aime pour sa foi, pour son islam, et on le déteste pour ses péchés. Quelqu'un, par exemple, qui vole, est-ce que tu as le droit de l'aimer d'un amour absolu? Non, parce que ton amour, il suit ce qu'Allah veut de toi. Comme c'est un muslim, tu l'aimes parce que c'est un muslim pour son islam, mais tu le détestes également parce que c'est un voleur. Si c'est un musulman, mais que c'est un menteur, pareillement, tu l'aimes pour son islam, mais tu le détestes pour son mensonge, et ainsi de suite. Donc l'amour et le désaveu peuvent se réunir sur une même personne. On déteste la personne et on déteste son action. Et on aime la personne et on aime son action. Par contre, de dire cette ambiguïté qui a été propagée puis réfutée par les savants de l'islam, walillah alhamd wal minna, qui est de dire que on déteste pas la personne, mais on déteste son action seulement. Cela a été réfuté. Une autre compréhension erronée à éclaircir. Certaines personnes ont compris de cela que nous n'avons pas le droit de faire des mu'amalat avec les kuffars. Nous n'avons pas le droit de faire, certaines personnes ont compris que nous n'avons pas le droit de faire des transactions commerciales, ni du commerce avec les non-musulmans. Cela est une idée erronée. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait du commerce avec les juifs, il y avait du commerce avec les chrétiens, et il y avait des juifs à Médine, et il y avait du commerce entre eux. Donc, cela ne contredit pas aqidatul wala et wal bara. Cela ne contredit pas aqidatul wala et wal bara, l'alliance et le désaveu. Et les gens dans ce chapitre se divisent en trois groupes. Il y a ceux qui ont exagéré, il y a ceux qui ont du laxisme et ceux qui sont sur la voie droite. Ceux qui sont sur la voie droite sont ceux qui se sont conformés à ce qui a été cité dans le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le fait de faire scission d'avec Allah et son messager se divise en deux. Il y a la scission établie par les kuffars. Ces gens-là ont fait scission, il y a une scission totale. Ils se sont éloignés complètement de la voie d'Allah et de son message. Et il y a d'autres qui ont fait scission d'avec la droiture sur le chemin d'Allah et de son message. Donc c'est une scission partielle. Ils ne sont pas sortis de l'islam. La première chose rentre dans le shirk akbar et le kufr akbar. Et le deuxième point, c'est la muhadda de Ahlul Bida' wal Fisq. C'est la scission commise par les gens de l'innovation et de la perversion. Ils ne sortent donc pas à la base de l'islam. Et celui qui aime le kufr des kuffars et leurs personnes, pour leur kufr qu'ils possèdent, il sort de l'islam. Celui qui aime le kufr du kafir, sa personne, pour son kufr, alors cela fait partie de la marque de l'islam. Cela fait partie, comme nous l'avons vu auparavant, des annulatifs de l'islam. Mais celui qui aide les koufars ou qui a eu un penchant vers les koufars, même au détriment des musulmans, mais pas pour la religion, pas parce qu'il a de l'aversion envers l'islam ou un penchant vers le kufr, mais pour une chose, un mada, des bienfaits comme les bienfaits terrestres, les richesses et les choses ayant rapport avec la dunya. Cette personne ne sort pas de l'islam. Elle a fait un grand péché, mais elle ne sort pas de l'islam. La preuve de cela est le hadith de Hatib, radiallahu anhu, lorsqu'il a dévoilé un secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam en écrivant une lettre à Kuffar Quraysh. En informant Kuffar Quraysh d'une action qu'allait entreprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il a dévoilé un secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Kuffar Quraysh. Mais Allah Azza wa Jal a révélé: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Allah Azza wa Jal a révélé: Ô vous qui avez cru, ne prenez pas en allié mon ennemi et le vôtre. Allah les a appelés: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc ce sont des croyants et ils ne sont pas sortis de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar concernant Hatib: Laisse-le, peut-être qu'Allah a regardé dans le cœur des habitants de la bataille de Badr, de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, et leur a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et Hatib en fait partie. On s'arrête sur cela et on continue inshallah ta'ala la semaine prochaine. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As'allah al-azim rabb al-arsh al-karim أن ينفعنا بما سمعنا وأن يسرنا العمل بما يحبه ويرضى وأن يزيدنا علما على علمنا وعملا على عملنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.